Nous recevons aujourd'hui les co-ordonnateurs et co-auteurs de deux ouvrages collectifs qui abordent chacun sous un angle particulier la question délicate de l'auto-institution et de l'auto-organisation de la société. C'est une question délicate à aborder tant les cadres de pensée hérités mettent en mots, en récit et en pratique une organisation sociale pilotée par le haut, par une expertocratie et des bureaucraties qualifiées de néolibérales, mettant en œuvre un appareillage gestionnaire, complexe et pseudo-rationnel, comme dirait Cassoriadis, pour appréhender et agir sur le monde. Une homogénéisation et un défi posé à nos sociétés par ce qu'il est désormais convenu d'appeler la mondialisation des économies et de tout ce qui concourt à leur croissance. Son effet le plus frappant, et peut-être dans le même temps paradoxalement le moins visible, est de laisser, quoi qu'il arrive, peu de mots et donc peu de possibilités d'organisation collective, autonome, de leur expérience par les membres de la société civile qui placent leurs espoirs ailleurs que dans une course sans fin dont ils seraient les jambes. En effet, dans l'ordre régnant, ceux-ci sont plutôt appelés à se conformer et à reproduire continuellement dans leur pratique sociale les schèmes, les normes, les significations sociales dominantes, soit à entériner les façons dont une certaine forme de société fait sens de ce qu'elle est, du monde qui l'entoure et de la place qui est la sienne au sein de cet environnement constitué par elle et autour d'elle. Si le processus d'auto-institution des sociétés et des significations imaginaires majeures qui les font être ce qu'elles sont et de fait une réalisation collective est également collectivement accompli, l'occultation du caractère pluriel, contingent et continue, mais surtout instituant des pratiques par lesquelles le monde social est ordonné de manière chaque fois singulière. À travers ce processus d'effacement en continu de son caractère auto-instituant, est reproduit un monde socialement organisé, vis-à-vis duquel la posture recommandée est celle de la rationalité instrumentale, par laquelle les agents s'efforcent d'optimiser leurs intérêts particuliers dans les limites d'un cadre et de règles largement données à l'avance, comme situées en dehors de leurs actions. L'émancipation passe dès lors par la possibilité de prendre de la distance avec les catégories du langage, des significations sociales héritées à travers lesquelles les pratiques, les acteurs, les institutions sont conventionnellement identifiées afin d'être en mesure de questionner leur mode d'émergence et leurs effets, d'évaluer la réalité qu'elles produisent et de se déprendre des limites du pensable et du faisable institué par l'usage figé de ces termes et des pratiques rendues concevables au sillage, pour imaginer et mettre en place un autre rapport viable au monde, aussi modeste soit-il en apparence. Devant les excès largement documentés des conséquences écologiques imputables aux activités économiques et à la quête de profit par des intérêts particuliers, assis sur la protection souveraine que leur confère une conception dominante de la propriété privée, il n'est pas étonnant, au fond, que l'attention de ceux qui recherchent des moyens permettant d'amender ou de transformer profondément la logique et les modalités du vivre ensemble sous les auspices du néolibéralisme se soient penchés sur la question de la propriété, justement. Ils ont ainsi permis d'ouvrir le débat sur son contenu, sa nature, sur la manière dont elle fixe des limites à ce qui peut être fait en son nom, en déterminant par qui, à quelle fin, etc. L'imagination opère ici tant au niveau des pratiques empiriques, comme la mobilisation citoyenne au sujet de ce que certains ont appelé les grands projets inutiles et imposés, qu'à celui de la réflexion théorique et conceptuelle permettant d'imaginer d'autres conceptions de la propriété qui puissent donner sens à des actions citoyennes dites de désobéissance civile, je pense à l'occupation des frontières d'infrastructures aéroportuaires ou de loisirs par des occupants sans titre de propriété, mais animé d'une intention qui consiste à faire reconnaître que ces opérations se tiennent sur des terrains qui étaient ou qui pourraient être mis au service d'autres usages jugés plus pertinents pour la communauté, ou de préfigurer un autre type global de rapport à la société supposant l'instauration d'autres types de relations entre gouvernants et gouvernés, entre intérêts publics et intérêts privés. À cet égard, les travaux abordés ce soir témoignent de l'articulation féconde qui peut exister entre les thèmes d'enquête des chercheurs, ici en économie, en droit, en sciences humaines et sociales plus généralement, et les démarches activistes militantes qui se présentent comme des alternatives à la société telle qu'elle est. Chacun, travaux empiriques d'un côté, pratiques théoriques d'un côté, pratiques d'invention sociale de l'autre, apparaît à la fois comme un référent, une source de relativement libre aspiration pour l'autre, dans l'activité qui consiste à organiser ou et rendre compte des formes sociales alternatives qui soient susceptibles de faire vivre la démocratie dans tous les aspects de la vie sociale et à définir et à allouer des droits appropriés à cette fin. Ce qui suppose effectivement de se donner les moyens d'envisager et de voir les choses qui nous entourent sous un jour différent de celui auquel nos pratiques sociales et culturelles, de se référer à tel ou tel domaine d'objets, nous ont convaincus de les appréhender. Par exemple, en étendant la conception de la propriété au-delà du droit d'un seul de disposer de la chose à sa guise, un faisceau de droits diversifiés et distribués entre différentes catégories de parties prenantes, ou en soulignant la fonction sociale de la propriété, l'une et l'autre vision offrant clairement une alternative à la vision subjective, individualiste du droit de la propriété. C'est l'intelligence de cette symbiose entre commun au pluriel et quête d'autonomie qui nous intéresse ce soir et justifie la présence de nos deux invités, l'un Benjamin Goria, économiste à Paris 13 et membre des économistes atterrés. Il nous apportera un éclairage sur les possibles conceptions et pratiques de la propriété dont le cas des communs démontre qu'elle ne se résume pas, mais excède au contraire les limites du apparemment tout-puissant droit de la propriété privée et ses effets en cascade sur l'organisation de nos sociétés, la répartition des ressources, l'aliénation ou l'émancipation au travail, les rapports sociaux, et j'en passe. Le second invité, Manuel Cervera-Marzal, est politiste. Il se penchera plus spécifiquement sur la question de l'émancipation sociale et de la quête pratique d'une démocratie réelle en remplacement de nos oligarchies libérales dans le prolongement des outils forgés par Cornelius Castoriadis. Avant de leur céder la parole, je rappelle l'intitulé des ouvrages collectifs qui serviront d'appui à cette présentation et au débat. Manuel Cervera-Marzal, C-E-R-V-E-R-A, Cervera-Marzal, M-A-R-Z-A-L, et Éric Fabry, F-A-B-R-I, sous la direction 2, Autonomie ou Barbarie, la démocratie radicale de Cornelius Castoriadis et ses défis contemporains. C'est publié au Passager clandestin en 2015. Et Benjamin Goria, sous la direction 2, Le retour des communs, la crise de l'idéologie propriétaire au lien qui libère, également en 2015. Alors nous avons convenu que Benjamin Goria ouvrirait le bal.